500 livres, je lève ça, ça va saigner. Pourquoi? Parce que le caillot, le bouchon hémostatique qui a été fait, n'a pas eu le temps de se solidifier. Ça, c'est en minutes, des fois presque l'heure pour solidifier. Donc, dès que je mets de la pression, le bouchon détache et ça recommence à saigner. Ça s'appelle la coagulation plasmatique. Okay? Donc, la première chose que vous allez faire quand vous allez prélever du sang, vous allez utiliser les bons tubes. Vous verrez qu'il y a des tubes avec des petits bouchons tout dessus. On appelle ça des vacutaineurs. Vacutaineurs rouges, bleus, voilà. Enfin, c'est standard partout dans le monde. C'est les mêmes choses. Au Maroc, partout, c'est la même chose. Un rouge, un jaune, il n'y a pas d'anticoagulant. Un bleu, il y a un tel type d'anticoagulant. Un vert, c'est celle-là. C'est spécifique aux analyses que vous allez prescrire. J'en prends un en hémato. La plupart du temps, le bouchon est lavande. Pourquoi? Parce que dedans, il y a ce qu'on appelle un chélateur, de l'EDT, l'éthylène, diamine, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça fait juste capter ce qu'il faut pour empêcher la coagulation. Donc, un tube d'hémato que vous avez prélevé tantôt, vous allez passer la journée sur la table, vous allez le prendre, vous allez le brasser doucement, et puis ça va, toutes les cellules vont se remettre en suspension. C'est liquide, ça reste toujours liquide. Un tube que vous aurez prélevé sans anticoagulant, ça va s'appeler du sérum, ça va coaguler. Il n'y a pas d'anticoagulant, donc le sang va coaguler. Alors, quand vous allez venir pour tourner ça, ça va être pris d'un moton. Ça va? Donc, c'est la différence. Les motons, on regarde ça pour la biochimie, puis les belles choses fluides, c'est les motons. Avec un grain. Donc, mon tube de sang, on enlève le petit bouchon, je centrifuge ça. Quand je centrifuge ça, je vais avoir à peu près à peu près 45% du tube qui va être des cellules. Ici, j'aurai des cellules dans le fond. Puis ici, je vais avoir du liquide. C'est bon? Ça varie pour les hommes, pour les femmes. Un peu. 45%. Donc, ça m'indique la quantité de cellules. De ce 45%-là, la très grande majorité, le 95%, c'est des globules rouges. Globules rouges. Donc, c'est presque, ça couvre la majorité des cellules. En haut, vous allez avoir ici un peu de globules blancs et des plaquettes. Quelqu'un sait à quoi ça sert, les plaquettes? C'est pour coaguler, de faire le bouchon. Donc, pour faire l'hémostase. Les globules blancs? Système immunitaire. Système immunitaire. Oui. C'est bon? Les globules rouges? Transporter le transport. Qu'est-ce que je fais ici? Super. OK. Donc, c'est une première analyse de laboratoire qui s'appelle l'hématocrite. L'hématocrite, c'est les appareils automatiques qui vous donnent ça. Ce que tu fais manuellement, comme c'est là. Mais la représentation de l'hématocrite, c'est la quantité de cellules sur la quantité de liquide. Donc, un hématocrite comme celui-là serait un hématocrite de 0,45. Ça va? Si j'ai un hématocrite de 0,60, j'ai beaucoup trop de cellules. Puis si j'ai un hématocrite de 0,25, par exemple, j'ai pas assez de globules rouges. Donc, le patient, tantôt vous m'avez dit que les globules rouges servent à transporter l'oxygène, la cliente, ou des fois, excusez-moi, la cliente qui a 0,25, elle manque de cellules pour transporter l'oxygène. OK. Donc, vous avez fait des cours de physiologie. Elle va vous dire quoi, cette cliente-là? Ça a fatigué, essoufflé. Donc, elle ne vous dira pas, je fais de la tiflée, de la STI, elle ne vous dira pas ça. Donc, écoute, je ne comprends pas, là, la semaine passée, où il y a un mois, j'allais au dépanneur, pas de problème. Je vais juste au dépanneur, au point, je reviens, je suis brûlé. Au travail, j'ai une dizaine de marches, j'arrive en haut des marches, cours après mon souffle. C'est comme ça qu'ils vont vous le dire. C'est pas en vous disant je fais de la polypnée superficielle ou je fais de la dyslée d'effort. C'est pas comme ça qu'ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire, ils vont l'exprimer comme eux le ressentent. Donc, vos, quelqu'un qui vous donnera, on verra ces symptômes-là reliés aux différentes analyses de laboratoire, mais ça, c'est un risque. Et déjà, à l'hématocrite, une toute petite analyse comme celle-là, qui représente ce que je viens de vous dire, on est capable de dire si quelqu'un a potentiellement de l'anémie. Je dis bien potentiellement de l'anémie. Des notes de cours, vous pouvez vous en servir soit avant le cours, soit après le cours. Ce que je vais vous dire est dans les notes de cours, à l'exception des exemples qu'on essaiera de se donner ensemble pour comprendre. Mais on n'a pas besoin de suivre dans le cahier comme tel, c'est beaucoup plus de suivre la dynamique des interactions pour bien comprendre. Puis s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, vous le dites. Okay? S'il n'y a pas de mauvaise question, j'essaierai de l'expliquer autrement si vous ne l'avez pas compris la première fois. Il n'y a pas de gêne avec ça, on est là pour ça. Donc, l'hématocrite, c'est notre première petite analyse sanguine assez simple. La deuxième, je fais une petite déviation vers la biochimie. Vous n'avez fait de la biochimie avant? Un cours. Non, c'est pas le cours. C'est quoi le cours? C'est biochimie pour sage-femme. Biochimie? Comme ça? Donc, petite analyse du sérum. Donc, pour avoir du sérum, il aurait fallu que je pique ma cliente avec un tube où il n'y a pas d'anticoagulant. Les protéines de coagulation seraient venues faire un moton ici, puis j'aurais un liquide jaune en haut qui serait le sérum. Quand je fais du... Je vous le fais dans un sens, mais c'est la même chose. L'électrophorèse des protéines. Je mets une petite goutte dans un champ électrique. Ça s'appelle une électrophorèse des protéines. Donc, je fais migrer, bon, ça, je suis pas mort, je vais mettre bon, la cuisine. L'albumine, alpha 1, alpha 2, les ondes, alpha 1, alpha 2, bêta, gamma-globuline. La zone des gamma-globulines, en hémato comme en immuno, c'est la zone importante, c'est la zone de tous nos anticorps. Tous nos anticorps vont migrer électrophorétiquement parlant dans cette zone. Donc, comme aujourd'hui, je suis en train de combattre un rhume d'homme. Ça, c'est sérieux. Un homme, on est dans le système. Donc, tout mon système immunitaire travaille, en principe, je ne trouve jamais qu'il travaille assez vite, mais bon, travaille pour essayer de me défendre. Toutes mes clones de cellules vont produire des anticorps différents. Je me ferai un électrophorèse, j'aurai probablement, comme ça, une augmentation parce que j'ai plus d'anticorps. Mais j'ai une panoplie d'anticorps qui sont produits. Un patient en hémato, avec certaines pathologies, on verra, n'a, et quand on parlera deux mots des leucémies, là, je vais parler d'un patient, puisque c'est, on parle de leucémie. Une patiente avec une leucémie va avoir qu'une cellule leucémique qui, au lieu de continuer à maturer, puis à vieillir, puis à se détruire, a gelé. Est resté, par exemple, un lymphoblaste, et là, elle s'est mise à proliférer. Donc, les anticorps que j'aurai ne seront que d'un type. Et le profil électrophorétique de cette personne-là serait plus comme ça. Je n'ai plus un éventail d'anticorps qui ont des charges différentes, qui se produisent comme ça, mais j'ai une sorte d'anticorps qui donne un pic qu'on appelle monoclonal. C'est un pic important en hémato, le pic monoclonal des protéines. C'est bon? Donc, il faut, la chose que vous avez par contre à apprendre dans votre cahier de notes de cours, j'en ai pas de cahier de notes de cours, parce que j'en ai pris un d'une autre année, c'est à peu près dans la page 15, la nomenclature. C'est encore la page 15? La nomenclature. Dans tous les domaines de la médecine, il y a du vocabulaire. Et là, ici, vous en avez aussi en hémato, qui est un peu le même qui s'applique dans plusieurs autres domaines de la médecine. Voyez-vous, si on dit « a », ça veut dire « sang ». Comme préfixe, ça veut dire « sang » ou « absence ». Donc, si je vous écris « émis », ça veut dire « sang ». « A », ça veut dire « sang » comme ça, pas « sans ». Puis « a », ça veut dire « sang », comme ça. Ça fait « sang », « sang ». C'est une anémie. C'est ce qu'on voyait tantôt, on manque de sang. On manque de l'eau. Ça s'applique autant en termes de suffixe qu'en termes de préfixe, à la page suivante, en termes de suffixe, ouais, suffixe ou préfixe, vous avez les deux dans l'autre page, il me semble. Ouais, vous avez des suffixes aussi. Par exemple, voyez-vous, ici, destruction. Quand je vous dis hémolyse, destruction du sang. Si je vous dis érythrolyse, destruction des globules rouges. C'est pas pareil. Le sang n'est pas construit comme des globules. Il est construit des autres cellules. Ose, augmentation. Donc, à chaque fois qu'on dira ose comme suffixe, thrombose, une augmentation des thrombocytes, donc des plaquettes, des thromboses. Ose, tumeur. Un gliome, un carcinome, un hémangiome, etc. Ce sont des tumeurs, comme pas toujours malignes, mais ce sont des tumeurs. Donc, ça, je vous demande de le regarder. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut le prendre par cœur, mais c'est juste qu'à partir du prochain cours, je vais utiliser plus les suffixes et les préfixes. Voilà, donc, pour être capable qu'on suit comme ça. Donc, c'est bon, l'introduction est pas mal faite. On commence. Jusqu'à là, on n'a rien. Oui. Est-ce que le sérum, c'est la même chose que le plasma? C'est une bonne question. Allez, on tombe bien. Parce que, une question, ça a son intérêt. La réponse, oui ou non, ça n'a aucun intérêt. Donc, je veux qu'on comprenne. Mon intérêt, en fait, c'était de comprendre si mon lien que j'avais fait était le bon. Okay. Donnez-nous votre lien. Bien, vous avez dit que la deuxième, c'est une analyse de sérum. Oui. Et ça, c'était sans anticoagulant, fait que ça leur a fait un moton puis un liquide, j'imagine. OK. Alors, je me demandais si le liquide, c'était le même liquide que ça fait dans les mains, quand ils parlent de plasma. Le plasma, oui. Ça va donc être le liquide, oui, qu'on aura au-dessus des cellules, dans lequel on n'aura pas utilisé d'anticoagulant. Dans lequel on aura utilisé un anticoagulant. Ah. Si j'empêche de coaguler les cellules, j'ai donc les protéines de coagulation qui vont rester dans mon plasma, oui, protéines qui ne sont pas là dans le sérum. Oui. Mais ce sont deux liquides avec des compositions différentes. Donc, retenez que plasma, c'est avec un anticoagulant que vous pouvez lever le sang. Sérum, c'est sans anticoagulant. Oui. Et dans le liquide avec coagulant, le plasma, il y aurait les globules blancs et les plaquettes? Ces cellules-là sont toujours là. Oui. Sauf que quand on prélève un sérum, ces cellules-là sont inutilisables, puisque dans le fond, ça va faire une coagulation, ça va faire un moton. Tandis que dans l'autre, je vous ai dit dans le plasma, quand on prélève avec du plasma, avec un anticoagulant, on peut inverser le tube, les cellules redeviennent en suspension. Donc, sont utilisables pour l'hématologie. C'est bon? Bon, là maintenant, moi j'ai assez travaillé, c'est à vous. Comment ça marche? Comment on fabrique ça du sang? Regardez pas les notes de cours. On fait référence à votre mémoire ancienne. Sur... Oui. Les globules rouges, c'est à l'intérieur de la moelle des os. Les globules rouges, c'est à l'intérieur de la moelle des os. Ouais, belle tentative. Et après? Non, on commence à quelque part. La rate, la rate, elle intervient pas à un moment donné là-dedans. La rate? Elle intervient pas, non? La rate. C'est où, ça, la rate? L'hypocondre gauche. Mmh, ouais. Es-tu capable de palper ça? Non, moi, je pense qu'avec certains petits marteaux, des résonances, non? Jamais debout, d'abord? Non, toujours couché. Toujours. En général, pour la plupart d'entre nous, on ne serait pas capable de la palper. Mais si la médecin peut. S'il y a une splénomégalie, une augmentation du volume de la rate, elle va dépasser le rebord costal et on va être capable de la palper. OK, on continue. Globule blanc, on fabrique ça où? Mais là, c'est pas les globules lymphatiques. Système lymphatique. Ganglion. Les plaquettes, les autres? Croche que je suis en l'air. Mais ça va être comme ça pendant 5 semaines. Fait habituez-vous. Sinon, on va être prêt, là, si je suis seul à parler. OK, ben, on va ramasser tout ce que vous avez dit. Tout l'hématopoïèse, poïèse, fabrication, hémato, sang, ou tout l'hémopoïèse, hémo, sang, poïèse, fabrication, se fait dans les os. Se fait dans nos os longs et plats, pour la plupart. Une des rares fois où je pourrais dire, pendant notre cours, qu'on est à peu près pareil, vous et moi, c'est en termes d'hématopoïèse. Parce qu'on est, malgré que j'en ai un ou deux de plus que vous, on fait notre hématopoïèse à la même place. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. L'hématopoïèse, donc la fabrication du sang, ça se fait dans tous les os, plats et longs, chez bébé. Mettons que bébé arrive, on pourrait théoriquement prélever de la moelle dans la majorité de ses os. À une vingtaine d'années, et c'est là que je dis qu'on est pareil, à partir d'à peu près une vingtaine d'années, on n'a plus que quelques lieux de résidence pour faire de l'hématopoïèse. Il nous reste le sternum, les crêtes iliaques, les côtes. C'est à peu près tout ce qui nous reste, tibia, fémur, puis tout ça. Il n'y a plus d'hématopoïèse, c'est de la moelle jaune, ce n'est plus de la moelle. Donc, on va rester dans l'os hématopoïétique, dans l'os à moelle rouge. Nos os à moelle rouge, vous avez déjà vu ça, de la moelle dans un os de bouillie, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez la moelle qui est un peu gélatineuse à l'intérieur de l'os. C'est pareil dans ces os-là. Et on a des zones qu'on appelle des îlots érythropoïétiques. D'autres, ça va être des îlots mégacaryocytopoïétiques. Ça, c'est des îlots pour les plaquettes. Des îlots pour la leucopoïèse, pour la fabrication. Leuco, c'est blanc. Poïèse, fabrication. Fabrication des globules blancs. Donc, on a ces îlots-là dans la moelle des os. Comment on va faire pour étudier ça? Le médecin a besoin... Dans certaines pathologies graves, on a besoin de prélever de la moelle. Le sang qui circule, ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans la moelle. Mais il n'y a aucun diagnostic lourd de conséquences qui se pose sur du sang périphérique. On peut vous dire que vous avez une anémie, que votre cliente a une anémie. D'avoir une anémie, c'est un symptôme, c'est une maladie. Dépendamment de la forme du symptôme, on ne fera pas de prélèvement de moelle. Ça n'a pas d'intérêt. Mais si on suspecte une leucémie, un lymphome, etc., etc., on va toujours donner le diagnostic sur un prélèvement de moelle, jamais sur du sang périphérique. C'est trop lourd de conséquences. Donc, comment on va faire ça, le prélèvement de moelle, que ce soit dans les crêtes iliaques, que ce soit dans le sternum? C'est un brocard, à peu près de la grosseur de mon petit doigt, en métal. On anesthésie l'épiderme, le périos, on rentre le trochard, on passe à travers l'os, on aboute une seringue, on aspire, on va chercher la moelle. C'est un peu comme la moelle que vous avez vue dans les os, c'est pas liquide, c'est semi-solide. On aspire, ça prend une bonne tension. Les patients vont vous dire que quand c'est prélevé dans la sternum, ils ont l'impression que la tête leur rentre dans les épaules. Ça fait pas mal, mais ça donne une petite impression. Là. Dans la crête iliaque, ça fait pas mal non plus. C'est bien anesthésié comme tel. C'est pas quelque chose de très douloureux. C'est quelque chose de très utilisé. Vous avez entendu parler des greffes de moelle. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va prélever de la moelle, on va la travailler, on va la redonner en donnant. Oui? Mais après le prélèvement, ça peut rester douloureux aussi. Oui, ça peut rester un peu douloureux aussi. Il y a des gens qui vont dire que c'est super douloureux juste après prendre une prise de sang. On a chacun notre seuil de douleur, sachant que celui des hommes est beaucoup plus élevé que celui des femmes. C'est quoi de la moelle? La moelle, c'est vraiment une substance gélatineuse. C'est un peu comme un jello qui ne serait pas complètement pris. Là, quand vous l'avez mis au frigidaire, il n'est pas complètement pris. C'est un peu comme ça. Fait que ça demande une tension parce que c'est pas du sang. Du sang, vous mettez ça, vous mettez un vacuteneur, c'est liquide. Ça rentre dans le vacuteneur par absence de par le vide dans le vacuteneur. Mais ça, on ne serait pas capable de faire ça. Ça prend vraiment une seringue sur laquelle on va tirer. Et c'est dans la moelle que les globules rouges se font? Oui, c'est dans la moelle que les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes se font. Tout notre système hématologique est fabriqué dans la moelle de ces os-là. Il y a un travail colossal parce que, imaginez les plaquettes, je vous prends la pire des situations, les plaquettes, ça vit 10 jours. Puis on en a des quantités astronomiques. Donc, à tous les jours, il faut que votre moelle remplace un dixième de la totalité des plaquettes du corps parce que ces plaquettes-là ont été utilisées ou détruites. Donc, pour les globules blancs, il y a une variabilité différente. Puis pour les globules rouges, c'est 120. Excusez, c'est 120 jours. C'est 120 jours. Donc à tous les jours, il faut renouveler un 120e de la masse des globules rouges. Oui, puis. Dans la moelle rouge, on fait les globules rouges, puis dans la moelle jaune, on fait les plaquettes, puis les. Tout est toujours fait dans la moelle érythropoïétique, dans la moelle hématopoïétique, dans la moelle rouge. La moelle jaune, c'est des lipides. Ça n'a pas, d'intérêt comme tel. Oui? Ma même question, c'est quoi? Moi aussi, je pensais vraiment que les globules rouges étaient fabriqués dans la rate. Alors, qu'est-ce que fait la rate chez l'adulte? Comment tu voulais chercher ça? Regardez-moi quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui a parlé de la rate, pardon. À quoi ça sert? Système immunitaire. Système immunitaire, ouais. Mais après ça, là. C'est comme me dire ça, on est de pavillon de santé. Après. Le cimetière. Le cimetière, ouais. OK. Le cimetière, c'est bon. Système immunitaire. Ben, ramasse pas les globules rouges qui sont morts. Hein. Les macrophages. Ah, c'est bon. Gars, j'ai même pas besoin de répondre. On n'a pas entendu jusqu'ici. Les macrophages détruisent. Cimetière des globules rouges. Petit réservoir de plaquettes. Au cas où on aura un problème, on a une quantité de plaquettes qui réside au niveau splénique pendant un certain temps. Au cas où on aurait besoin d'une charge de plaquettes rapide pour boucher un trou quelconque. À quelque part. Oui? C'est quoi le type cellulaire de la moelle? Est-ce un type cellulaire en tant que tel? Le type cellulaire, c'est quoi ça? Est-ce, mettons, cellule nerveuse en cerveau, ils ont des formes particulières. Donc, tous, c'est les cellules hématopoïétiques. Toutes les cellules du sang. Hein? Je vous en donnerai. Oui, tout à fait. Mais les précurseurs de ces cellules. Parce que quand ça sort, ça s'appelle comme ça. Quand c'est dans la moelle, c'est ça, comme des cellules souches. Est-ce que ça se produit dans des suspensions de l'eau? Ben là, ça va dépendre. Ça. Il y a vraiment des zones plus hématopoïétiques. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans la zone jaune, dans la moelle jaune. Ça, là, pour ça, le tissu spongieux, on parle plus de différentes catégorisations. Tout à l'heure, vous avez cité trois mots. Vous avez îlot hématopoïétique, globule rouge, îlot machin. Îlot mégacaryocytaire, c'est pour les plaquettes. Les précurseurs des plaquettes, ça s'appelle les mégacaryocytes. Puis après ça, il y a tout pour la leucopoïèse, pour la fabrication des globules blancs. Juste les cellules souches, c'est pas là. Elles sont où, non? Toujours dans la moelle. OK. Donc les cellules dans la moelle, ça s'appelle les exosomes. On les verra, on y arrive. Mais tout ça, on est toujours dans la moelle, on n'est pas dans le sang périphérique. Ouais. Ça va? On reste dans la moelle. Mais on peut trouver des cellules souches dans le sang? Oui, okay. Il y a des cellules souches parce que quand on prend du sang de cordon de bébé, on peut aller extraire. Mais dans une prise de sang? Oui, okay. Oui, on pourrait. Parce qu'on a toujours de la circulation, on a toujours une circulation. Mm-hmm. C'est comme le système lymphatique et le système sanguin, il y a toujours des connexions. À la système de Fouquet, par exemple, il y a toujours les connexions qui se font. Oui. Bon. On reste dans la moelle, on est en train de fabriquer notre hémopoïèse ou notre hématopoïèse. Donc, on fabrique l'ensemble des cellules. Ces cellules-là, ils vont devoir s'amplifier, ils vont devoir maturer. Puis, ensuite de ça, quand ils seront matures, ils vont sortir dans le sang périphérique. Mais pas avant d'être matures. Donc, il y a tout un processus qui se passe dans la moelle de nos os. On pourra, par exemple, ici, voyez-vous, il y a les cellules souches, totipotentes. Ensuite de ça, on définit ça en les myéloïdes, lymphoïdes. Là, on aura toutes nos catégories. J'ai un tableau tantôt qui est plus intéressant. Donc, vous voyez à la page suivante où est-ce que je peux me situer à la même place que vous, c'est ce que je disais tantôt. À la 20 ans, à partir de 20 ans, on a à peu près. Notre moelle hématopoïétique dans les mêmes os, vous et moi. Mais vous comprendrez qu'il ne reste que les vertèbres et le sternum d'accessible. Si je rentre un trocar en métal dans une côte, je casse la côte. Une côte, ce n'est pas accessible pour les hématologues. On ne peut pas utiliser. Nous, on ne peut pas utiliser ça. Il faut absolument utiliser là ou là. Et le fait de la ponction de moelle, ça se fait en fonction de l'école, mais c'est aussi simple que ça. Une n'est pas meilleure que l'autre. Une n'est pas plus douloureuse que l'autre. Donc, on a ça comme ça. Théoriquement, chez le bébé, ou en néonat, on pourrait prélever de la moelle à peu près dans n'importe quel sens. Tous les os longs, on pourrait prélever de la moelle si on voulait. C'est pas vraiment l'idéal, là, mais ça pourrait se faire. Et il y a des situations où on doit le faire. Voici une meilleure figure. Bien sûr, il faut savoir par cœur de la moelle. Donc, la cellule souche, elle est ici. On en a un certain nombre de cellules souches. Ces cellules souches-là, dans notre moelle, toujours, reçoivent par le sang et par l'environnement vésiculaire, reçoivent toutes sortes de signaux pour se différencier. Différencier en lignée érythroïde, myéloïde et lymphoïde. On est ici, jusqu'ici, là, on est dans la moelle des os. Donc, on va former ce qu'on appelle des précurseurs. Je vais prendre l'exemple de la lignée des rouges, c'est la première qu'on va regarder ensemble pour les animaux. On va former des précurseurs qui s'appellent des BFU, des CFU. Ça prend des hormones, ça prend du matériel. On transfère ça. Un et un. À partir du CFU, on continue les interactions tissulaires, médulaires, on forme un pronormoblaste, qui lui va se diviser. Chacun des normoblastes basophiles va se diviser, ainsi de suite. Donc, un BFU va donner à peu près 64 globules rouges. Et c'est la même chose pour toutes les vies. Il y a toujours une influence hormonale qui arrive d'un autre endroit de notre corps. Par exemple, nos globules rouges. Où est-ce que notre c'est le rein qui mesure notre pression en oxygène, notre capacité de transport d'oxygène. Donc, quand le rein perçoit qu'il y a une diminution du transport d'oxygène, il synthétise une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. L'érythropoïétine passe dans la circulation sanguine, s'en va à la moelle, vient se brancher, comme tout ce que vous avez vu, sur un récepteur à la surface d'une cellule, qui s'appelle le récepteur de départ, EPO, érythropoïétine, R pour récepteur. Donc, va commander une accélération de la maturation. Et ça va aller plus vite. Donc, si je me coupe le bras, comme ça. Je le tiens dans vos mains. Ça saigne, ça saigne, ça saigne. Ça ne va pas prendre de temps que je vais manquer de sang. Donc, mon rein va dire, wow, il manque d'oxygène. Manque d'oxygène, synthétise le PO. J'envoie ça à la moelle pour accélérer la production de globules rouges pour pas que je tombe en hypoxie. Comment ça se fait? On va de plus en plus vite. Est-ce qu'on peut vraiment physiologiquement augmenter notre cadence médulaire? Oui, on peut augmenter la cadence jusqu'à 8 fois. Les auteurs disent 8, 9, 10. On va dire 8 pour faire un chiffre. 8 fois, si on a tout ce qu'il faut pour fabriquer nos cellules, on peut accélérer jusqu'à 8 fois. Donc, pour vous comme clinicien, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme intérêt? Bien, ma cliente qui commence à me présenter des signes d'anémie, puis que je vois aussi qu'elle a les conjonctives un petit peu jaunes, donc un début subitale, je risque fort de faire face à une hémorragie, même si elle n'est pas visible, une hémorragie gastrique, une hémorragie. Donc, le rein va produire plus de PO, va accélérer la production de globules rouges. Et je vais retrouver quelque chose d'anormal dans le sang périphérique. La première cellule qui nous indique qu'il y a une activité érythropoïétique accélérée, ça s'appelle le réticulocyte. C'est le précurseur du globule rouge. Ce sont les précurseurs du globule rouge. Il existe toujours. Il y en a toujours dans la moelle des réticulocytes, dans la formation. Il passe doucement dans le sang périphérique et il continue la maturation dans le sang périphérique pour devenir un globule rouge. Un hématie, c'est pareil. Globule rouge. Mais si j'accélère la production, je vais relâcher plus de réticules. Donc, je peux comprendre là que, imaginez-vous, là, c'est un peu comme. Le commerce. C'est un peu comme le commerce. Question d'offre et de demande. Si je perds du sang, je demande du sang. Donc l'offre va être plus grande, ça va accélérer. En autant que j'ai tout ce qu'il faut pour construire mes globules rouges correctement. J'aurai donc une formation d'hématie plus rapide que je pourrai mesurer comme clinicien dans une plus grande sortie de réticulocyte. Et d'ailleurs, quand on fait une greffe de moelle à un patient, donc on irradie sa moelle, on enlève sa moelle, on lui donne une autre moelle, ça s'appelle une greffe de moelle, la première cellule qu'on mesure pour savoir si la moelle est bien prise, c'est le réticulocyte. Le globule rouge, les précurseurs vont s'ancrer dans la moelle et on va produire les réticulocytes, ça va être les premiers à sortir de la moelle avant même les globules rouges, bien sûr. Puisque c'est une moelle, une nouvelle moelle qui commence à produire. Donc, vous pouvez appliquer ce principe-là à toutes les cellules du système hématopoïétique. Oui? Donc, le réticulocyte. Culocyte? Oui. Ah, c'est un U? U. Ah. Le réticulocyte, c'est le premier indicateur d'une baisse d'oxygène, donc de globules rouges. Dans certaines circonstances. Comme une hémorragie non visible. Comme une hémorragie. Ou là, pourrait être visible aussi, mais non. Une anémie aussi? En anémie? Ça dépend du type d'anémie. Okay. Oui. En passant, par exemple concret, du sang, ça se donne lentement. Fait qu'un programme de TV mal fait, vous allez voir quelqu'un qui arrive polytraumatisé à l'urgence, puis on y met une transfusion sans vie. Ça ne donne rien. Absolument rien. Zéro, il y a zéro coup de mort. Ils n'ont pas vérifié les concepts correctement. Ce qui est important pour l'organisme humain, c'est que le cœur ne pompe pas à vide. Vous allez l'avoir vu en physiologie. Donc, il va faire les strokes cardiaques. Il ne faut pas que ça fasse ça. Donc, Le sang, ça prend entre 2 et 4 heures à donner une transfusion de sang. Fait que si j'arrive polydraumatisé, que j'ai perdu 1,5 litre de sang, ça ne me donne pas grand-chose d'avoir du sang dans 4 heures. J'ai besoin de volume pour pas que le cœur pompe à vide. Donc, je vais donner le soluté à haut débit et non pas du sang. Je pourrais mettre en dérive du sang, mais le sang, il n'y a rien à voir. Donc, l'hémato, en gros, là, quand vous avez une section de la carotide, là, l'hémato, on s'en fiche comme dans la grave. Ça ne sert à rien. Okay? Si vous avez un polytraumatisé qui saigne de partout, l'hémato, ce n'est pas grave. On a besoin de remplir de liquide pour être sûr que le cœur ne va pas pomper à vide. Puis après ça, il donnera du sang. Même si j'étais une couple d'heures avec une anémie hyper profonde, c'est ça n'a pas d'importance pour le patient. Bon. Parce que ça ne durera pas longtemps. On va donner du sang en même temps, puis ça va se régénérer tout de suite. Donc, ça, c'est notre moelle. Et il faut comprendre ce que je viens de dire, comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de savoir le rôle blanc de l'azote et de la cytosine, tout ça. Ça n'a pas d'intérêt pour vous. Mais il faut savoir que si je perds du sang, normalement, je suis capable d'accélérer la production des globules rouges et des autres cellules. Les globules rouges, je vais les mesurer par le réticulocyte s'il y a une production exagérée. Mais c'est rare. Dans la vraie vie, là, c'est rare que vos clients vont présenter ça. On retrouve ça chez les polytraumatisés. On retrouve ça dans des hémorragies. Mais c'est rare que ça va arriver. Vous allez avoir des clientes, au contraire, qui eux aussi vont présenter des anémies, mais qui ne seront pas capables d'accélérer le processus. Pourquoi? Parce qu'ils vont manquer les nutriments qu'il faut pour constituer les globules rouges. Donc, ils vont lui manquer soit de fer, soit de vitamine B12, soit d'acide folique. Fait que s'il manque un de ces trois grands éléments-là, il y en a bien d'autres, mais surtout ceux-là, parce qu'il est. S'il manque ça, on n'est pas capable de faire les cellules. Fait qu'on a beau manquer beaucoup de globules rouges, le rein va produire beaucoup de PO, le PO va s'en aller dans la moelle, va accélérer les précurseurs, puis rendu ici dans la maturation, nos cellules seront plus capables de fonctionner correctement, seront plus capables de maturer. Fait qu'on n'aura pas d'effet pendant ça. Mais il ne faut pas faire la bêtise de prendre une anémie macrocytaire pour une déficience en fer et l'inverse. Puis c'est pas parce qu'on a une anémie microcytaire qu'il faut prescrire du fer tout de suite, parce que ça pourrait être une thalassémie du bassin méditerranéen, et c'est pas avantageux de donner du fer à quelqu'un qui a une thalassémie. On va être obligé quand même, on va regarder quelques pathologies ensemble, pas beaucoup, mais on va regarder quelques-unes pour comprendre le mécanisme, le fonctionnement. Non pas pour apprendre la pathologie, non pas pour traiter la pathologie, mais quand vous parlez de thalassémie, on comprendra comment ça se fait que l'hémoglobine n'est pas fait correctement dans les thalassémies. C'est juste pour ça, ça n'a rien à voir avec le traitement de thalassémie. Ça va pour la voile? Dans votre monde, vous lirez le texte un peu. On est rendu ici. On est dans la voile des os. Il ne faut pas que les cellules restent là. Donc, il faut qu'ils s'en aillent dans le sang périphérique. Ils vont prendre les sinus médulaires. Les sinus médulaires, c'est, il y a juste une bordure de cellules endothéliales. Fait qu'on va tasser les cellules endothéliales. Les cellules vont tasser les cellules, puis ils vont passer entre les cellules. Ça s'appelle le passage ici vers le, dans le sang périphérique. Ça s'appelle la diabase ou diapédèse. Diabase ou diapédèse. C'est bon? Donc, nos cellules passent dans la moelle quand elles sont matures, mais jeunes. Okay? Donc, on comprend que le globule rouge qui va vivre 120 jours dans le sang périphérique, quand il passe dans le sang périphérique, pas dans la moelle, dans le sang périphérique, il est au jour zéro. C'est un petit jeune. C'est la même chose pour les globules blancs, c'est la même chose pour les plaquettes. Bon, prenons... Ça donne-tu bien? Moi aussi, j'en ai une pour vous. Allez-y. Mais vous avez dit que les réticulocytes, on pouvait les retrouver dans le sang. Oui. Est-ce qu'on les considère matures? Est-ce qu'on les considère matures? C'est un processus de transformation. Okay? Le réticulocyte, il passe quelques jours dans la moelle, puis il passe dans le sang, mais dans le sang, il continue sa maturation pour devenir un globule rouge. Mais il y en a très peu. Il y en a à peu près 0,5% qui passent dans le sang. La plupart des globules rouges. Ça, comme ça de la moelle. Donc, une sous-question, quand je fais un prélèvement de moelle, c'est normal que ça soit rouge. C'est normal. Il y a des globules rouges dans la moelle. Ils sont matures, ils attendent de sortir. Okay, ils sont rendus au jour zéro. Est-ce qu'ils s'appellent encore réticulocytes? Parce qu'ils sont dans la moelle ou on va déjà les appeler là? Si réticulocytes, c'est un terme qui est un précurseur. Ils s'appellent réticulocytes, pourquoi? Parce que quand on fait une coloration, il y a des vestiges d'ARN dans le cytoplasme. On les voit, ces vestiges-là. Ça s'appelle des réticulocytes. Il y a 0,5% des réticulocytes de la moelle qui vont passer dans le sang périphérique normalement. Mais si vous en avez 10% dans le sang périphérique, c'est parce qu'il y a une accélération médulaire. Donc, ma question, qu'est-ce qui nous différencie, vous et moi, en termes de certaines habiletés, pas à part l'âge, là, mais qui est dû à notre âge? Faites attention à ce que vous allez dire. J'imagine que j'ai plus de lieux de production. Oui, c'est vrai. Mais en général aussi, vous êtes en théorie, je dis bien en théorie, plus flexible que moi. On veut des preuves. on fait ça à la pause. Donc, en théorie, quand on est jeune, on est plus flexible. Il n'y a aucune ouverture entre deux cellules endothéliales, de l'endothélium vasculaire, qui est assez grande pour laisser passer une cellule comme ça. La cellule doit complètement se déformer pour réussir à passer parce que l'ouverture maximale est d'à peu près 2,5 micromètres. Donc, la cellule doit être jeune, doit être capable de se déformer pour passer là. Ça s'appelle, c'est ça la diabase, donc dans le fond, cette capacité aussi qu'ont les jeunes cellules de se déformer pour rentrer dans le sang périphérique. Donc, quand on est plus jeune, on retient qu'on est normalement plus flexible. Bon. On a une catégorie de cellules qui diffère de ça. Ce sont les plaquettes, les thrombocytes, c'est le même mot. Je prends mon sinus médulaire, j'ai mes îlots érythropoïétiques, mes îlots leucopoïétiques et les îlots mégacaryocytopoïétiques, donc pour les plaquettes. Les plaquettes dans les îlots mégacaryocytopoïétiques se forment dans le cytoplasme, comme ça, tandis que dans un îlot érythropoïétique, chaque globule rouge est indépendant. Donc, on les a dans le cytoplasme. Ça mesure, un globule rouge, ça mesure à peu près 7 micromètres, un globule blanc, 10-12 micromètres. Un mégacaryocyte, ça mesure à peu près 100 micromètres. Ça ne peut pas passer dans le sang périphérique. Il n'y a pas d'ouverture assez grande. Donc, ce que la nature a fait, c'est que les îlots mégacaryoblastiques s'approchent de l'ouverture, font un pseudopode, comme ça, les plaquettes s'en viennent là. Le pseudopode est brisé dans le courant sanguin et les plaquettes s'en vont dans le courant sanguin. C'est le mécanisme qu'on a pour libérer nos plaquettes qui est différent de celui du globule rouge, qui, le globule rouge, lui, devra se déformer pour être capable de passer dans le sang périphérique. Donc, en général, ce qu'on retient de la diabase ou de la diapédèse, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture assez grande pour laisser passer nos cellules. Il faut que les cellules soient jeunes, déformables, pour passer là. Oui? Votre troisième îlot, comment il s'appelle? Leucopoïétique. Leucopoïétique, puis lui, comment ils font pour passer? Même chose que pour les globules rouges. Et c'est encore pire, parce que je vous rappelle que le globule rouge n'a pas de noyau, puis tous les globules blancs ont des noyaux. Fait qu'il faut encore plus se déformer pour réussir à faire passer le noyau aussi dans la cavité pour faire la diabase. Donc là, on commence à s'approcher du sang périphérique, qui sera votre mesure. C'est là que vous allez faire les prélèvements, c'est là que vous allez faire vos interprétations, c'est là que vous allez référer ou transférer, c'est avec cette matrice-là. C'est bon, les principes que je viens de vous donner, ça s'applique à toutes les cellules du sang périphérique. Et à l'inverse de ça, je prends le cheminement, là, au bout complètement du cheminement, la rate. Donc, la rate, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a l'air, la rate? On va prendre notre spécialiste, la rate. En médecine chinoise, c'est vraiment important. Très important. C'est une grosse masse rouge, plein de sang, là. Wow. C'est comme le pavillon de santé. Après, là, après. C'est tellement... On peut-tu vivre sans rat? Oui, sûrement, ouais. Oui. Splénectomie, oui. Splénectomie, on enlève, on splénecte la rate. La rate, c'est... On le verra un petit peu mieux tantôt. La rate, là, dans votre tête, là, vu qu'on commence, on va reprendre comme l'hiver. Ouais, ma femme m'a dit que c'était pas bon là-dedans. T'as mis de cuisine. La passoire. Ma farine, tout ça passe, bon ça. Il y a des trous là-dedans. Il faut faire passer le beigne, il passe tout, c'est la farine. La rate, c'est un peu pareil. C'est un tamis. Le sang doit circuler à travers la rate. Et pourquoi je vous en parle là? Parce que c'est exactement l'inverse que je viens de vous dire pour la diabète. Quand ma cellule est vieille, elle est plus déformable. Si elle est plus déformable, comme les sinus spléniques, les sinus d'arabe, sont trop petits pour laisser passer les cellules, sans qu'ils se déforment, bien les cellules sont pas capables de passer, ils restent là. Ça s'appelle de la résidence splénique. Donc, quand la cellule reste là, les macrophages ont le temps de s'approcher, la phagocyter puis de l'enlever. Fait que quand elle a 120 jours, mon globule rouge, il est rendu au bout de sa vie, s'il va être phagocyté dans la rate, tout simplement parce qu'il est devenu, vous vous rappelez de la forme des globules rouges, ceux qui ont vu ça? Ouais, à peu près ça. Qu'est-ce que ça a l'air au microscope? Ça a l'air rond. Ça a l'air rond, allons-y, rond. Après ça? Avec une petite affaire dedans. C'est quoi la petite affaire? C'est le renforcement. C'est un trou comme. C'est pas un trou. C'est une dépression. Ouais. Zone pâle au centre. L'hémoglobine plus en périphérie comme ça. La zone pâle, ben, c'est votre lumière passe ici. C'est notre zone pâle. Puis, vos rapprochements d'hémoglobine, c'est l'hémoglobine qui est là. On a partout l'hémoglobine, on en voit moins ici parce que c'est collé. Donc, quand il est vieux, cette cellule-là, il devient comme ça. Mais vous comprenez que, par exemple, combien de d'hémoglobine dans le globule rouge? Combien de molécules d'hémoglobine? Puis on ira à la pause quand vous aurez trouvé le nombre exact. 4 molécules d'hémoglobine. C'est une proposition. J'allais dire 300 000. Là, on a comme nos banquiers, là, il y a quelque chose. Moi, j'aurais dit 12, parce que quand on va vérifier le taux d'hémoglobine, on est... les femmes, on est à peu près à 12, mais c'est-tu la même chose? 12-14? Ça, c'est 12 grammes au litre. Ah, OK, c'est pas chaud. Dans un globule rouge, on a des millions de globules rouges. Dans un globule rouge, il y a 280 à 300. Millions de molécules d'hémoglobine. Millions de molécules d'hémoglobine dans un globule rouge. Ça, tu l'as dit, Cindy? Ben oui. Les mots chiffres, les zéros, ça compte. On ne s'occupe pas des zéros. OK, donc à peu près deux. OK, bon, je veux juste savoir. Une molécule, c'est quoi la grosseur d'une molécule? Il y en a 280. C'est minuscule. C'est minuscule. Tu l'as dit à la mer? Comment? C'est-tu l'ordre du nanomètre? Bien, le globule rouge fait 7 nanomètres. Fait divisons 7 nanomètres par 280 000. Ce qui donne 0,1 million. Vous vous donnez une image, là, par exemple, des groupes sanguins, vous connaissez. Ouais. Qui connaît son groupe sanguin? Bon. Ceux qui sont de groupe A, par exemple, ceux qui sont de groupe A. OK? À la surface de votre globule rouge, les gens qui sont de groupe A, vous avez à peu près 1 million de molécules de groupe A. Ça, c'est juste ça. Ça part toutes les autres molécules. Fait qu'une molécule dans votre tête, là, pour être sûr qu'on se comprend bien, là, une cellule, c'est à peu près la grosseur du stade olympique. Puis une molécule, c'est à peu près comme une balle de golf dans le milieu du terrain du stade olympique. C'est à peu près ça. Passez-moi 3-4 enjeux de balle, là, mais c'est à peu près ça. La proportion entre une molécule puis une cellule. C'est important parce que la cliente que vous passerez la petite bâtonnette dans l'urine, puis qu'il y aura de l'hématurie ou qu'il y aura de l'hémoglobinurie, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même étiologie. L'hématurie, on a parlé de cellules qui ont passé le filtre rénal. Puis l'hémoglobinurie, on va parler de molécules qui ont passé. On ne parle pas des mêmes choses. On ne parle pas de la même étiologie diagnostique non plus. Puis on ne parlera pas du même diagnostic, on ne parlera pas du même traitement, puis de la même pronostic non plus. On ne parle pas des mêmes choses quand on parle de molécules et de cellules. Bon, là, on fait de la mise à niveau. Là. On est tout le monde qui a les mêmes rapports à peu près de grandeur. Ça va? Donc, mon globule rouge, il contient ceci d'hémoglobine, puis j'en ai à peu près 4 à 5 par 10 à la 12 au litre des globules rouges. Ça, c'est écrit dans les formules sanguines. C'est la même chose pour l'examen. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de valeur à apprendre par cœur. Je vous les donne. Je pense que ces valeurs-là, vous allez finir par les savoir parce que vous allez travailler avec. Mais pour un examen, je trouve ça un peu innocent d'apprendre des valeurs de référence par cœur. C'est l'important pour des cliniciens, des futurs cliniciens, c'est d'être capable de les interpréter. Donc, je vous donne les valeurs normales qui vont avec les exemples. Oui? J'ai une question. Moi, justement, mon père n'est pas droit, mais qu'est-ce qui filtre son sang si c'est pas droit? C'est une bonne question. C'est je suis encore dépourvu. Aidez-moi. Bien, il n'y a pas juste la rate, sûrement. Sinon, ça, on ne pourrait pas l'enlever. Qu'est-ce qui filtre? C'est plus les reins. Ouais. Mais qu'est-ce qui... C'est les reins plus que la rate qui filtre le sang, non? La rate, peut-être que ça filtre, puis les reins, ça, c'est Il élimine. Les reins, ouais, ça filtre l'élimination. Le liquide. Ah. OK? Ben. Le sang, il est filtré où? Pour être capable de se débarrasser des vieilles cellules, pour être capable de se débarrasser de l'agglomérat de cellules, etc. Ça va être filtré au niveau du foie, de façon moins efficace que la rate. Mais sans danger pour la survie. Est-ce que ça use le foie? En général, les gens qui sont en splénectomie, on ne fait jamais une splénectomie pour rien, puis c'est important de la faire. Donc, la compensation par le foie est quelque chose d'adéquat. Okay. C'est plus sensible aux infections si on n'a pas de rate, c'est certain, parce que le foie est un peu moins efficace. Mm-hmm. Mais c'est pas la seule chose qui est. Avec laquelle on est plus sensible aux infections. Oui? Une question, mais vous avez dit qu'il faut la prendre par cœur, ça c'était une blague ou c'est une blague? Pour tout c'est le monde, blague, okay. Juste elle va la prendre par cœur. Les autres n'avaient pas besoin. Donc, vous, votre deuxième question d'examen, ça va me réciter ça. C'est bon? Donc, on a commencé à sortir vos cellules du sang périphérique, de la voile, vers le sang périphérique. Là, ils vont devoir circuler. Ils vont circuler pendant un certain temps. Ils vont être détruits. Qu'est-ce que ça fait des globules blancs dans le sang périphérique? Les globules rouges, vous me l'avez tous dit avec beaucoup d'exactitude. Ça transporte la glycogène, c'est sûr. Le globule blanc. Ça cherche les virus. C'est quoi? Il attend d'être utile, la partie. Il attend d'être utile. La protection. C'est pour la protection. Il attend qu'il y ait une protection en défense. L'armée du corps. Ça, on ne peut pas les traiter comme ça, je trouve. Donc, il y a une information d'un anticorps qui a repéré quelque chose dans le sang qui va informer qu'il faut produire les plus blancs. On a quand même une conception un peu Pinocchio. C'est le sang, là, c'est stérile. Si vous avez des bactéries dans le sang, le globule rouge ne sert à rien. C'est fini d'antidoteur, ça vous prend un antibiotique intraveineux. Ça s'appelle une septicémie. Les globules blancs, un globule blanc, pour être capable de fonctionner, il faut que ça soit sur un support. Ça se bouge comme une amibe. Ça bouge comme ça. Ça émet un pseudopode, ça fixe son pseudopode, ça emprunte le reste de son corps. Même pseudopode, emprunte. Donc, ça a besoin d'être dans un, sur un support solide, ce qu'on appelle les tissus. Les globules blancs, ils circulent dans le sang, ils ont très, très peu d'action dans le sang périphérique, ils ont des actions dans les tissus. Il y a la moitié de vos globules blancs qui sont collés sur vos vaisseaux et l'autre moitié qui circule. Ceux qui sont collés sur les vaisseaux, ça s'appelle le pôle marginal. Puis ceux qui circulent, c'est le pôle circulant. Donc, quand vous faites un prélèvement sanguin à une cliente, vous dosez le pôle circulant. Les normes sont faites en fonction de ça. Pourquoi ça ne sert à rien de faire une formule sanguine quand notre cliente vient d'accoucher? Zéro avec une barre. Formule sanguine quand la cliente est accouchée. Pourquoi? Son volume de sang est différent. Parce que son volume de sang est différent. Mais le temps que ça s'établisse pour avoir une idée plus juste, parce que là, c'est comment transiter la main avant. OK. Je reprends ma question, mais d'une autre façon. Au lieu d'aller faire mes dumbbells au CAPS, mes 500 livres par mois, j'ai quand même pris mes deux dumbbells, mais j'ai couru en entour du CAPS. Avant que vous me fassiez ma prise de sang. Et quand vous allez me faire ma prise de sang, je vais avoir beaucoup trop de globules blancs. Parce que les globules blancs du pôle marginal, ceux qui sont collés, vont se décoller, vont s'en aller dans la circulation par la pression, okay? L'exercice physique, l'adrénaline, etc., etc. Donc, la femme qui vient d'accoucher, là, on s'entend qu'il y a eu des efforts pas mal. Et donc, la quantité de globules blancs dans la circulation donne une image de leucémie. Okay? Trop de globules blancs. C'est pour ça qu'on va prendre du sang aux femmes qui viennent d'accoucher, parce qu'on a besoin de tester dans le corps. Là. On ne fera pas de formule sanguine, ça ne sert à rien. La formule sanguine, elle est débalancée. Donc, ce pôle marginal-là est en équilibre avec le pôle circulant. Il y a toujours des échanges, mais tout le long de l'endothélium, il y a des cellules d'accolées. Et si je fais, me gratte, je fais une infection ici, les cellules qui sont accolées le long de l'endothélium vont rapidement passer dans le tissu pour aller combattre l'infection. Et s'ils en ont besoin d'autres, vont en appeler d'autres sur le site pour rentrer dans le site d'inflammation ou d'infection. Oui? Ils sont exactement pareils, les globules blancs du poule. Oui, ce sont les mêmes. Marginal et circulant, c'est les mêmes. On y verra un peu plus tard. C'est bon, fait que ça vous donne un peu l'idée de comment ça va fonctionner. Je peux me réajuster, ben, donnez-moi au moins jusqu'à la fin du cours pour voir si ça me convient ou pas. Mais c'est un peu ces échanges-là que je voudrais avoir avec vous, que j'aimerais avoir, dans le fond. Puis là, on y était pas mal avec les vrais volontaires. Puis à partir de la première pause, il y en a des volontaires désignés. Pour être sûr que tout le monde va jouer le jeu. OK? Puis je vous le répète, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Puis vous, pas juste pour l'examen. Il ne faut pas juste le regarder en termes d'examen.